الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الإمام المتقين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إن شاء الله تعالى aujourd'hui nous allons rentrer dans le sixième cours qui rentre dans le thème qu'on a intitulé les règles et les principes du takfir. Toujours dans la définition de certains termes aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous rentrons dans la définition de ce que c'est que l'iman, la foi. L'iman, c'est le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit « Il y avait consensus des compagnons et des suivants et de ceux qui sont venus après eux et de ceux que nous avons vus et rencontrés qui disaient « La foi est parole, acte et intention. Et l'un de ces trois ne se désolidarise de l'autre. » Source Majmou' al-Fatawa, tome 7, page 209, et dans Usul i'tiqad ahl-sunnati d'Al-Lalaki'i, tome 5, page 956. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit « J'ai rencontré plus de mille hommes parmi les gens de science, des gens du Hijaz, de la Mecque, de Médine, de Koufa, de Bassoura, de Warsit, de Bagdad, du Cham, de l'Égypte. Je les avais rencontrés aux hémisphères, les uns après les autres. Je les ai saisis et ils étaient nombreux depuis plus de 46 ans. Les gens du Cham, de l'Égypte et la péninsule arabique à deux reprises, à Bassoura à quatre reprises sur des années successives. Il énuméra 45 hommes. Ensuite il dit « Il nous suffit la nomination de ceux-là telle qu'elle fut résumée et que cela ne soit pas long. Car je n'avais pas vu l'un d'entre eux diverger sur ces choses que la religion est parole et acte. Et ceci, à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat, d'acquitter la zakat. » Et voilà la religion de droiture dans surat 98, verset 5. Et il dit ça donc dans Shar Usul al-Irtiqad de Ahli Sunnati d'Al-Lalika'i, tome 1, page 194. Et le Bukhari, rahimahullah, il dit aussi « J'ai écrit selon 1000 hommes parmi les savants, et plus, et je n'ai écrit que d'après... Et je n'ai écrit que d'après celui qui disait « La foi est parole et acte. » Et je n'ai pas écrit d'après celui qui disait « La foi est parole. » Toujours dans Sharh Usul al-Irtiqad Ahl Sunnati d'Al-Lalika'i, tome 5, page 959. Donc la foi est composée de deux piliers. La croyance en ce qu'informe Allah subhanahu wa ta'ala et son messager avec certitude et sincérité, contrairement à celui qui dément, celui qui doute et l'hypocrite. Ça veut dire que la personne est à croire avec certitude et sincérité. Alors que celui qui dément ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé, ou bien ce que son messager a dit, ou bien celui qui doute de ça, il a un doute sur les paroles d'Allah, il a un doute sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'hypocrite, alors ça ce n'est pas la foi. Il n'a pas accompli un des premiers piliers de la foi qui est la croyance. Et la deuxième pilier, c'est quoi? C'est la soumission. La soumission à leur commandement avec amour, avec amour et vénération, humilité et intention. Il ne suffit pas de se soumettre, mais la personne il déteste ce à quoi il se soumet. La femme elle porte le voile, mais déteste le hijab. La personne il fait la salat, mais déteste la salat, etc. Non, il faut être soumis avec amour, avec vénération, humilité et intention. C'est pour ça que Al-Barbahari, il a dit dans Sharh Sunna, page 27, il a dit, il faut croire que la foi est parole, acte et intention. Elle augmente et diminue, elle augmente comme Allah le veut, et elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste rien du tout. Al-Iman bi anna al-Iman qawl wa amal wa niyya yazid wa yanqus. يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ابن القيم رحمة الله عليه الجي dans مدارج السالكين il dit il faut qu'il y ait la parole du cœur et la parole de la langue. فلا بد من قول القلب وقول اللسان. La parole du cœur inclut de connaître le témoignage qu'il n'y a de vraie divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala, et de le professer. Et de connaître ce qu'il inclut comme infirmation et comme affirmation. Ainsi que le contraire de ce que signifie réellement la divinité que l'on conteste à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que seul Allah mérite, et qu'il est impossible d'affirmer à un autre que lui, et d'accomplir ce qu'il signifie dans le cœur avec savoir, connaissance et certitude. Donc, la foi inclut donc de savoir quoi ? La foi, ça veut dire qu'il faut. La foi, ça veut dire qu'il faut savoir ce que veut dire la ilaha illallah. Et la foi, ça veut aussi dire savoir ce que conteste et ce qu'affirme cette parole la ilaha illallah. Et la foi, ça veut aussi dire de savoir ce que veut dire le mot Allah ou bien le mot ilah que l'on conteste pour tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot divinité, qu'est-ce qu'il veut dire pour qu'on dise qu'il n'y en a pas d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ignore une de ces trois choses-là, alors il n'a pas la foi. Pourquoi ? Parce qu'il ignore qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi il dit la foi est parole et acte. Et la parole est en parole du cœur que parole de la langue. Et l'acte étant acte du cœur que acte du corps. Et l'explication de cela est que celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et son cœur, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala de son cœur, mais n'avoue pas de sa langue, ça veut dire dans son cœur il croit en Allah, il sait qu'Allah existe, mais il ne le dit pas avec sa langue. Alors ce n'est pas un croyant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à propos du peuple de Pharaon, qu'est-ce qu'il dit ? Je cite, il dit « Et ils rejetèrent les signes bien qu'en eux-mêmes ils avaient foi avec certitude. » En eux-mêmes, ils savaient. Mais ils ont rejeté les signes de manière apparente et de la langue. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit aussi à propos du peuple de Ad et de Salih, il a dit « Et Ad et Thamoud, ils vous êtes apparus clairement de par les vestiges de leurs habitations. Satan leur avait embelli leurs œuvres et les a détournés du chemin, bien qu'ils étaient capables de comprendre la vérité. » Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, en rapportant la parole de Moussa à Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « Et tu sais très bien que le seul à avoir descendu ces signes est le Seigneur des cieux et de la terre. » Donc, ceux-là avaient tous réalisé la parole du cœur, tous. Tous ces koufars parmi Pharaon, les Ad, les Thamoud, ils avaient réalisé la parole du cœur. Ils savaient, ils avaient la certitude qu'Allah existait et que c'est Allah qui avait envoyé les signes. Donc, qui est la connaissance et le savoir. Ça, c'est la parole du cœur. Il dit, mais ce simple fait ne fit pas de décroyant. Et ainsi, celui qui avoue de sa langue, il n'est pas croyant pour ce simple fait tant qu'il ne concrétise pas par l'acte du cœur comme l'amour et la haine, l'alliance et le désaveu, en aimant Allah et son messager, et en s'alliant aux alliés d'Allah, et en se séparant des ennemis d'Allah, et en soumettant de son cœur à Allah uniquement, et en se soumettant de son cœur à Allah uniquement, et en étant docile au suivi de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et en s'engageant à obéir à sa loi intérieurement et extérieurement. Ça veut dire qu'après la parole du cœur et la parole de la langue, maintenant il faut l'acte du cœur. Il dit ensuite, le shir Ibn al-Qayyim, dès qu'il accomplit cela, cela ne suffira pas à compléter sa foi tant qu'il n'aura pas accompli les ordres qui lui ont été donnés. Et il dit encore, il dit, la foi réelle est composée de paroles et d'actes. Or, la parole s'est répartie en deux endroits. La parole du cœur, qui consiste en la conviction, et la parole de la langue, qui consiste à prononcer le témoignage de l'islam. Et de même, les actes se répartissent en deux endroits. Les actes du cœur, qui est l'intention et la concrétisation, et l'acte du corps. Lorsque ces quatre éléments disparaissent, la foi disparaît totalement. Et lorsque la croyance du cœur disparaît, la croyance du cœur, alors les autres éléments ne servent absolument à rien, car c'est sur cette croyance que repose la conviction en le reste des composants de la foi ainsi que leur unité. Et lorsque l'acte du cœur disparaît, sans que ne disparaissent la conviction et la croyance, ceci est ce qui marqua la dispute entre les Mourji, la secte des Mourji, les hérétiques, ni des innovateurs, et les adeptes de la Sunna. Je marque un point ici. Le shir, qu'est-ce qu'il explique? À partir du moment où donc la parole du cœur, c'est-à-dire la croyance, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle disparaît, tout le reste, il sert plus à rien. Parce que la personne, il ne reconnaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ça ne sert à rien qu'il prie, ça ne sert à rien qu'il fasse la parole de la langue. Puisque déjà, la base même de tout le reste, elle a disparu. Taïb, maintenant, il dit, lorsque maintenant l'acte du cœur disparaît, l'acte du cœur, c'est-à-dire être soumis, aimer l'islam, s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Si lorsque tout ça disparaît, alors c'est là la distinction entre les gens de la Sunna et la secte des Murji'a. En effet, il continue le shir, je cite, en effet, les adeptes de la Sunna sont tous d'accord pour dire que la disparition de l'acte du cœur fait cesser totalement la foi, et que le fait de croire en la vérité ne sert à rien lorsque l'acte du corps, et que la vérité ne sert à rien lorsque l'acte du cœur, qui est l'amour et la soumission, disparaît. Tout comme la croyance ne servit à rien à Iblis, ni à Pharaon et à son peuple, ni aux juifs, ni aux idolâtres qui croyaient que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait raison. S'il l'admettait d'ailleurs, que ce soit en secret ou en public, et il disait, il n'est pas un menteur, mais nous ne le suivons pas et nous n'avons pas foi en lui. Et donc, si la foi cesse lorsque cesse l'acte du cœur, si la foi cesse lorsque cesse l'acte du cœur, il n'est alors pas étonnant que la foi cesse lorsque cessent les plus grands actes du corps. En particulier lorsque ces actes entraînent forcément l'absence d'amour et de soumission du cœur, dont l'absence est causée par l'absence de conviction ferme, comme nous l'avions déjà énoncé. En effet, la non-obéissance du cœur entraîne inévitablement la non-obéissance du corps. Effectivement, si le cœur n'obéit pas, alors le corps n'obéit pas. Car si le cœur obéit et se soumet, alors le corps obéit et se soumet aussi. Et la non-obéissance du cœur et son insoumission entraînent inévitablement l'incertitude dans la croyance. Car la croyance ferme entraîne inévitablement l'obéissance. Or, ceci est la foi réelle. La foi n'est pas le simple fait de croire, comme nous venons de le démontrer, mais la foi, c'est la croyance qui entraîne inévitablement l'obéissance et la docilité. Donc, tout ça, c'est la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dans son livre qui s'appelle « Kitab al-Salat wa ahkam tarikiha », page 56. Donc, après ces explications, nous comprenons que la foi est donc une parole et des actes, et que ces derniers sont de deux sortes. Parole du cœur et de la langue, et acte du cœur et du corps. La parole du cœur, c'est la croyance, et la clé de la croyance, c'est la connaissance. Ça veut dire qu'il est impossible de croire en quelque chose dont on ignore l'existence ou la réalité. Ainsi, connaître Allah subhanahu wa ta'ala et son unicité sont la clé de la foi. Il ne peut en aucune circonstance exister la moindre foi dans un cœur qui ignore l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, connaître Allah, c'est un fondement de la foi, sans lequel la foi ne peut pas exister. Contrairement au fait de connaître les lois prescrites par Allah. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir foi en Allah avant d'avoir été informé de ses lois. Comme par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant que ne lui soit faite la révélation. Ainsi que Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ainsi que Amr ibn Abasha, As-Sulami, ainsi que Abu Dar et d'autres. Et les autres muwahidines qui vivaient parmi les païens de Quraysh à la Mecque. Ils avaient foi en Allah et ils étaient musulmans malgré qu'aucune loi d'Allah ne leur avait été enseignée, ne leur était parvenue. C'est pour ça qu'il dit l'imam Mohammed ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah, rakkiz ala ma aqul. Soyez attentif à ce que je dis, ce que je vais dire. Il dit: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر لأن أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك كفرا ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كفرا وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا والجهر بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. Donc il dit, à partir du moment où connaître Allah c'est la foi, alors ignorer Allah est mécréance. Et la pratique des obligations religieuses est de la foi. Alors que les ignorer, je répète, la pratique des obligations religieuses est de la foi. Alors que les ignorer avant qu'elles ne soient révélées n'est pas de la mécréance. Vu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam eurent foi en Allah dès le début qu'Allah leur envoya son messager, alors qu'ils ne connaissaient pas les obligations qui leur furent prescrites plus tard, et ignorer ces obligations ne fut pas une mécréance de leur part. C'est-à-dire le fait de ne pas savoir que Allah subhanahu wa ta'ala allait rendre obligatoire la zakat, ou bien le hijab, etc. Ça ne peut pas être une mécréance, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ensuite, Allah révéla les obligations. Alors, leur foi en ces obligations fut leur acceptation et leur mise en pratique constante. Et celui qui mécroit en ses obligations n'est autre que celui qui les rejette pour avoir démenti l'information d'Allah. Mais si l'information d'Allah n'est pas parvenue, celui qui l'ignore n'est pas mécréant pour son ignorance. Et une fois que l'information est transmise, mais que certains ne l'ont pas encore entendue parmi les musulmans, ils ne sont pas mécréants pour leur ignorance. Par contre, ignorer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est de la mécréance. Dans tous les cas, que ce soit avant l'information ou après l'information. Donc ici, Al-Marwadi, qu'est-ce qu'il faut noter ? Il fait la différence entre le fait d'ignorer Allah, c'est-à-dire ignorer son tawhid, son unicité, et le fait d'ignorer les obligations et les interdictions que Allah il a prescrites, mais tout en connaissant Allah. Donc il y a une différence entre les deux. Donc ici, on peut mettre en évidence en mentionnant les musulmans qui vivaient parmi le peuple de Quraysh avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne reçoive la révélation. Ils ignoraient l'obligation, par exemple, des cinq prières. Ils ignoraient l'obligation du jeûne de Ramadan, ainsi que les autres rites de l'islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne les avait pas encore enseignés, ne les avait pas encore révélés à ce peuple-là. Et donc, il leur était impossible de les deviner. Mais pourtant, ils étaient quand même musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi en l'unicité d'Allah, au tawhid, et en la fausseté du culte d'un autre qu'Allah. Ils savaient que le fait d'adorer un autre qu'Allah, c'est batil, c'est faux, c'est de l'égarement, et c'est de la mécréance, et c'est du shirk. Et ils avaient foi aussi au prophète que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui transmettait la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils détestaient le culte d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi comme ils ont cru en tout ça, alors cette foi en la base de l'islam leur était suffisante pour être considérés comme étant des musulmans dans ce genre de situation-là. Et il leur aurait été impossible d'avoir foi aux obligations et aux interdits avant qu'Allah n'envoie le prophète alayhi salam pour les enseigner. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit: la foi consiste à croire le messager dans ce qu'il informe et en lui obéir dans ce qu'il ordonne. Or, ceci aussi ne peut exister qu'à condition que le message soit transmis. Ça veut dire qu'on peut croire au messager que lorsqu'il vient avec son message. Avant qu'il vienne avec son message, on ne peut pas deviner. Donc il dit ça, Ibn al-Qayyim, dans Ahkam al-Dhimma, volume 2, page 111. Par contre, s'il avait adoré les idoles, ou bien qu'il avait cru en la validité de leur culte, ou bien qu'il avait aimé ceux qui les adorent, il n'aurait pas été musulman et il n'aurait pas eu la foi. Quant à ceux qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala et ignorent qu'il est unique, c'est-à-dire ceux qui font le shirk, ils ignorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est unique, ou bien qu'ils disent qu'il est unique mais en même temps ils adorent autre qu'Allah, c'est-à-dire qu'ils contredisent ceux qui prétendent savoir et croire, sans qu'il n'ait été averti par un prophète, alors ceux-là également sont des mouchriquins, ils sont des mécréants quand même, malgré tout. Donc ainsi, celui qui ignore que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré et qui n'a... La foi donc n'est valide que si elle se compose de paroles et d'actes. La foi du cœur provoque automatiquement la pratique du corps de tout homme capable physiquement de pratiquer. De ces règles, donc nous savons que lorsqu'un homme ne pratique rien du tout de son corps, alors qu'il connaît ses obligations et en est capable, il est impossible qu'il soit croyant dans son cœur. Et on va énoncer ce que les savants ils ont dit sur ce sujet. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit: la foi, bien qu'elle soit composée de confession, ce n'est pourtant pas le simple fait de confesser la vérité. Il ne suffit pas de dire la vérité, c'est aussi l'acceptation et la sérénité. Il faut aussi accepter ce que ça implique. Ceci car la confession est en rapport avec les renseignements uniquement, alors que les commandements, eux, ne sont pas concernés par la confession vu qu'il s'agit des commandements. Et la parole d'Allah est composée de renseignements et de commandements. On répond aux renseignements par la confession, c'est-à-dire on répond par l'attestation, et on répond au commandement par la docilité et la soumission, qui sont l'acte du cœur. C'est l'assemblement de la soumission et la docilité au commandement. Et même si on ne pratique pas physiquement ce commandement, à partir du moment où les renseignements sont acceptés par la confession et que les ordres sont acceptés par soumission, alors la base de la foi est établie dans le cœur, qui est la sérénité et l'acceptation. Il dit ça dans Sarim al-Masloul, page 519. Ibn Taymiyyah, il dit dans Majmou' al-Fatawa 7, page 118, il dit: la volonté totale réunie avec la capacité physique ne peuvent être séparées de l'action. Il est en effet impossible qu'un homme aime Allah et son messager et désire ce qu'Allah et son messager aiment d'une volonté persuadée, en étant capable de l'accomplir, mais il ne le fait pas. Lorsque l'homme ne déclare pas sa foi alors qu'il en est capable, cela prouve qu'il n'y a pas dans son cœur cette foi obligatoire qu'Allah a exigée de lui. Fin de citation. Et il dit également dans Majmou' al-Fatawa 7, page 221, il dit: والقرآن يبين أن إيمان القلب يلتزم العمل العمل الظاهر بحسبه كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين. وقال تعالى أيضا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرق منهم معرضون. وقوله تعالى وإن يكن له الحق يأتوا إليه مذعنين. إلى قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عما تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا. فبين أن هذا من لوازم الإيمان. Donc il dit, et le Coran expose que la foi du cœur est relativement inséparable de la pratique du corps. Comme dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ils disent, nous croyons en Allah et au messager et nous obéissons, puis après cela, une partie d'entre eux font volte-face. Ce ne sont pas ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à toi soumis. Jusqu'à sa parole, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est « Nous avons entendu et nous avons obéi. » Et les voilà ceux qui réussissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donc nié la foi de quiconque renonce à l'obéissance envers le messager et annonça que lorsque les croyants sont incités à revenir vers Allah et son messager pour trancher leur litige, ils écoutent et obéissent. Et il exposa que ceci est l'effet provoqué par la foi. Et il dit également, Ibn Taymiyyah, quiconque admet que le messager dit la vérité mais le déteste, ou bien qui fait rupture avec lui de son cœur et de son corps, il est catégoriquement et forcément mécréant. Et si les morji'a incluent les actes du cœur dans la foi, sans les actes extérieurs, alors il se trompe également, car il est impossible que la foi s'établisse dans le cœur sans mouvement du corps. Il dit également Ibn Taymiyyah, il est impossible qu'un homme ait une foi affirmée dans son cœur qu'Allah lui a imposé la prière, la zakat, le jeûne et le hajj, et qu'il vive son existence sans se prosterner du tout, ni jeûner un ramadan, ni donner une seule zakat, ni faire un seul pèlerinage, ceci est impossible, et ne provient qu'avec l'hypocrite du cœur et le perfide, zandaqa, et non pas avec une foi valable. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala décrit ceux qui refusent de se prosterner parmi les mécréants, je cite, le jour où un tibia sera découvert et qu'on les invitera à se prosterner, mais ils ne pourront pas. Surat Noun, surat 68, versets 42 et 43. Ibn Taymiyyah, il dit également dans Majmou' al-Fatawa 7, page 615 à 616. Il dit, il est normalement inimaginable qu'un homme ait foi dans son cœur qu'Allah exige de lui d'accomplir la prière, d'admettre cela et d'adopter la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses enseignements, puis qu'ensuite le détenteur d'autorité lui ordonne de prier et qu'il refuse d'obéir jusqu'à ce qu'il soit exécuté, tout en ayant en même temps la foi dans le cœur.